On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. On pouvait rester, hein. N'empêche que... On ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des juifs. Mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui. Qu'on est le peuple élu. Et pourquoi j'irais pointer au vélodrome d'hiver? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Quelle suffisance, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Je n'ai rien contre ces gens-là. Bien au contraire. Je suis fier d'être citoyen de ce beau pays de France où les juifs courent toujours. Je me méfie des rumeurs, vous savez. Quand on me dit que si les juifs allaient en si grand nombre à Auschwitz, c'est parce que c'était gratuit, je pouffe. Puis d'abord, il y a juif et juif, hein. Oui, il y a deux sortes de juifs. Il y a le juif assimilé et le juif juif. Mais c'est pas pareil du tout, non. Oui, le juif assimilé, bon, c'est n'importe quoi. C'est le genre de mec qui regarde l'Holocauste les pieds sur la table en bouffant du cochon pas cachère, vous voyez. Il sait même pas reconnaître le mur de Berlin du mur des Lamentations. Là. Et il joue au squash, quoi, là, un mur. Quoi. Ces gens-là sont la honte des synagogues. Oui, j'en connais, j'en ai plein mes salons. Ils n'auront même pas la chance d'être connus par les nazis lors de la prochaine. Le juif-juif, lui, c'est différent, hein, oui. Le juif-juif, comment dire, il se sent plus juif que fourreur. Oui. Il renacle à l'idée de se mélanger aux gens du peuple non élu, en dehors des heures d'ouverture de son magasin, bien sûr. Tout petit, il recherche la compagnie des autres juifs. C'est pas toujours évident de... Non, c'est pas toujours évident de reconnaître comme ça, du premier coup d'œil, un juif d'un antisémite, hein. Ben oui. Naguère encore, du temps de mes parents, on reconnaissait facilement les juifs. Ils avaient les lobes des oreilles pendants, les doigts et le nez crochu, et la bite à col roulé. Mais de nos jours, vous comprenez bien que ces gens-là, ils se font tous raccourcir le nom et raboter le pif par les as de la chirurgie esthétique. Alors on ne les reconnaît plus. Regardez Jean-Marie Le Pen au Wichstein, on dirait un breton. Vous savez que tous les praticiens de la chirurgie esthétique sont juifs. Tous les médecins sont juifs. Tous les archevêques de Paris sont juifs. Tout le monde sont juifs. En tout cas, les médecins, je suis sûr. Alors là, tous les médecins sont juifs. Enfin, le docteur Petiot, c'est pas sûr. Vous savez qui c'est, le docteur Petiot? Les petits. Ils sont bêtes à cet âge-là, ils savent rien. Si vous voulez, en gros, le docteur Petiot, c'est ce médecin parisien qui a réussi à démontrer en 1944 que les juifs étaient solubles dans l'acide sulfurique. Eh bien, le docteur Petiot n'était pas juif. Alors que Léon Schwarzenberg, si. D'ailleurs, il n'y a aucun rapport entre Petiot et Schwarzenberg. Je ne sais même pas pourquoi je fais le rapprochement. Enfin, je veux dire que Schwarzenberg, lui, ne fait pas exprès de tuer les gens. Non. Encore un bruit sans fondement quand on dit que les juifs sont vecteurs de maladies, c'est pas vrai. Regardez, Schwarzenberg, il n'est pas cancérigène. Comme disait Reiser, il suffit de pas trop s'approcher. Les juifs juifs ne se marient qu'entre eux, bien sûr. Oui, je relisais à ce propos récemment « Juifs et Français », c'est un livre d'Aris et Sédoui qui est paru chez Grasset il y a quelques années. Et dans ce livre, les auteurs demandaient à une journaliste, une grande journaliste française, très talentueuse, très belle en plus, qui gâte rien, dont je tairai évidemment l'identité par pure discrétion. Il lui demandait si elle aurait épousé Yvan Levaille pour le cas où il n'aurait pas été juif comme elle. Eh bien, cette jeune femme a répondu que probablement non, elle n'aurait probablement pas pu tomber amoureuse d'un non-juif. Eh bien, moi, je comprends cette attitude qu'on pourrait un petit peu hâtivement taxer de racisme. Moi-même, qui suis limousin, j'ai complètement raté mon couple parce que j'ai épousé une non-limousine. Une Vendéenne. Ah ben, je suis désolé, mais les Vendéens sont pas des gens comme nous. D'accord, ils ont des petits lobes et les doigts droits, mais nos patois ne sont pas les mêmes et nos coutumes divergent. Et divergent, c'est énorme. Voilà une femme, n'est-ce pas, qui mange du poisson le vendredi en tailleur Chanel, alors que moi je mange du bœuf Mironton le lundi en pantalon de velours. Il n'y a pas de compréhension possible. Il n'y a pas de compréhension possible. Nous avons notre sensibilité, Limousine. Nous avons notre humour, Limousin, qui n'appartient qu'à nous. Nous partageons entre nous une certaine angoisse de la porcelaine, peu perméable au chouan. Il faut avoir souffert à Limoges pour comprendre.